mais c'est quand même assez incroyable. Le TV dinner a été inventé pour être ingurgité devant le tube cathodique. Hey! Vers les années 70, là, on a été précurseurs. On savait que plus personne allait se parler, là. Ah, oh, moi, Anne, mon épouse, ça va plus très bien, là. Elle s'émancipe. Et plus elle s'émancipe, et plus moi, je cherche une autre avenue. Et comme j'habite sur la première avenue, il n'y en a pas d'autre. Moi, je sais très bien qu'après un, il y a deux, là, mais j'ai jamais vécu en dehors du premier, donc je me dis qu'il n'y a plus rien. Donc, je me suis acheté un TV dinner. Et je vais dîner devant ma TV. Écoutez les émissions préférées. Pendant que ma femme, elle, va faire du tricotage, du cherchage de mots croisés. Elle va s'intellectualiser. Elle va devenir plus intelligente que moi. Elle va me gouverner. Elle va devenir première ministre d'un gouvernement. Puis elle va me dire quoi faire dans ma vie. Ah, mais c'est bien, moi, j'aime ça, moi, me faire diriger, là. Non, voilà, là. Non, à droite, là. C'est pas du bleu que je veux sur mon mur, c'est du rose pâle. Oui, mais du rose pâle dans un salon. Oui, oui. Ça va amener de la lumière. Là. Je suis pas assez lumineux, là. Ah, puis maintenant, toi, avant, là, avant qu'on se marie, t'étais extrêmement intéressant. Hey, vas-tu arrêter mon oreiller, toi? Parce que l'oreille scintille. C'est-tu normal? Non, il n'y a rien de normal là-dedans. Mets ça en dessous, tu verras. Tu verras, ce sera bien. Tu verras, ce sera bien. Au pire, on va couper le... Bon, OK. Comme disait Philippe Catherine, on coupera le son. On coupe le son. Ben, c'est comme ça qu'un jour, le TV dinner est venu au monde. C'est pas une publicité, ça, là. C'est pas une marque de commerce, là. C'est manger devant le tube cathodique. Au-delà du réel, vous verrez votre nouille vous englober pour vous enfin devenir cet aliment, cette pâte molle au fromage qui pue! Raymond, trouves-tu que je suis étrange? Ben, mon petit camembert, là, c'est normal, OK. Sinon, ben, il y a du fumet. Oh! Alors, si je sens étrange et j'ai quand même un fumet, c'est que le bain est là. Oui, le bain est là. Le savon aussi. OK. Et savon veut dire savonner. Oh! Savez-vous savonner? Mais, Je connais bien. Entre moi et le savon, là, j'en mange deux barres par semaine. Ah, c'est rare. On m'appelle rare. Parce que je mange ça le matin, là, à l'aurore des grands bois. Tous les jours, en venant, je délègue, en me disant, ce sera mieux demain. C'est le savon, mon délire, tu verras, mais tu souris, quand la bulle, aujourd'hui, te pétrit. La bulle te pétrit, car l'oiseau est souvent est un chant pour les enfants qui amènent un réveil dans tant. C'est l'hiver, mon chérie, je ne peux pas. Ça va bien, ça va très bien. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, et vous les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme. Le magicien, attention, on va vous faire un tour. Tweet. Je vais disparaître sur les ondes. Attendez, vous allez. Attendez. Tweet. On attend depuis 2h30, toi là. Mais non, avant ça, c'était pas moi, c'était une autre émission. Moi, je viens de commencer, là. T'as pas remarqué la digression? Ben moi, j'étais déjà à 9. Pas rendu à 10. Non, j'ai pas dit digression, j'ai dit digression. J'ai l'impression que non. Ben, toi, ton impression est assez énorme, là. Tu sais même pas la différence entre un bois 8 et un bois 7. Ben oui, il y a un chiffre de différence. Mais non, mais au golf, si tu veux l'envoyer, l'envoyer. Ben, moi, je veux pas l'envoyer ni le renvoyer. Ah non, renvoyez-le pas, là. On l'a tiré. C'est un 4 coups. Puis sinon, tu vas en manger une à l'arrière de la tête, ça va faire 5 coups. Puis à 5 coups, là, si tu réponds pas, ben on va te... On peut pas le dire. On peut pas le dire, on va nous actionner. Puis si on nous actionne, ben on aime ça. Puis Actionne la téléphone qui se tourne. Oui, allô? Oui, c'est actionne, oui. Pepperoni, oui. On a un choix. Pas le choix, non. Il y a un choix, il vient tout seul, non. Peut pas enlever un choix, là. S'il n'y a pas le choix, il y a un choix, pas le choix, là, un choix. Je suis l'employeur. Moi, j'ai de la. Hein? Un choix, oui. OK, pepperoni. Combien d'onces, pepperoni? Carte d'onces, 20 $. Pepperoni, 20 $. Pardon? Code, mars. Or. Oui, monsieur, oui, OK. Ensuite, patate, oui. Rita, patate. Grosse patate. Pour monsieur, patate familiale ou affamiliale, un gros bébé. Mon gros bébé, deux gros bébés. Avec sauce, pas de sauce. Sauce en choix, au choix, pas de choix. Non, un choix, sauce tomate. Ma grosse. Deux gros bébés, grosse tomate. Tomate, grosse. Pardon, est-ce qu'on est. Il y a une confusion. Fond. Le téléphone qui. Ah, il est déjà. On répond, là. Oh, on y répond. Il parle, OK. Bon. Poutine, petit enfant, soué dans le fromage, manger c'est bien, le doux rêveur des pleurs. Réveillons les amis qui vont s'timer, ensuite voilà, hein, poutine, sauce top. Ouais, mais ça c'est le gabot. Main, italienne, OK. On livre ça à qui? À qui? Tuki? Tuki? Boudi? Boudi? Allô? Tuki? Bini? Boudi? Allô? Allô? Allô? À qui? On envoie ça à qui? Allô? Oui. OK. Vous êtes là? Oui. Alors, l'adresse? Oui. Oui? OK. C'est sur quelle rue? Oui. Oui? En rendant ça sur le digicode. Digicode, oui. Oui, quand vous écrivez ça, oui. Oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Oui. Oui. Sur quelle rue? Oui. Sur la rue, oui. Voyons donc, il y a bien du oui là-dedans. Appartement? Oui. Appartement, oui. Êtes-vous prêt à payer? Oui. Excellent. 250$ à pizza? Oui. Excellent. C'est quoi ce digicode? C'est la direction? C'est à Tombouctou? Madame, vous êtes de Tombouctou? Oui. Là, c'est à Québec, là. Le restaurant, c'est à Québec. Là. Tombouctou, là, prends l'avion, moi, là, pizza, ce sera pas trop fausse. Pas fausse. Ouais. En fait, c'est plus. Là, ouais, c'est pas d'extra pepperoni. Ouais. On est reconnus, nous autres, hein? Oh, la poutine. La bonne poutine québécoise. Hein? La grosse poutine, là. Voulez-vous. Oui? Oui. Voulez-vous que ce soit la grosse poutine qui vienne vous la livrer? Bon. Oh, je peux me travestir, ça me dérange pas. Oh, regarde, j'ai pris du poids. Oh, OK, on y va. Madame? Oui? On risque d'être là demain matin à 2h15. Oui? Allez-vous avoir l'argent? Oui. Sinon, m'emmener un autre ami là, qui, lui, va s'occuper de prendre des sous. Si pas de sous, couper le dessous. Oui? Vous finir en chaise roulante. En fait, oui. Ça vous dérange pas, madame? Non? OK. Alors, on prend l'appel, puis on vous rappelle. Oh! On la prépare, puis on déploie. Hein? L'avion, on enlise. Hein? Vol enlisé. On enlise l'avion. En fait, on va arriver peut-être un jour. Là. On va envoyer ça par courriel, tiens. Hein? On a l'ordinateur, puis la petite fente, là, dans la fente. Hein? OK. Alors, bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec votre. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, je sais pas, moi, madame, à composer. Quand elle compose, moi, je décompose. Je suis comme ça. Faut pas me préparer, sinon, je me dévais. Dévais. Je suis un dévêtu. OK, je me dévais. Je suis un malade, je dévais. L'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant. On est tout en l'axe, on est dans l'axe, oui. On y est vu de partout. Nous marchons. Qu'est-ce que tu... Je parle aussi à nos écrans. Là. Il y a des gens qui nous écoutent via YouTube, mon site officiel d'errance rénadienne. Bonjour. OK, je vous dis un beau bonjour. Bonjour. Je vous oublie souvent, hein? Ben oui, je pense aux auditeurs, mais rarement au public qui me regarde, là, qui me regarde actuellement. Oui, je sais, une coupe de cheveux serait peut-être de mise. Hein? Comment faire pour voir la vidéo? C'est simple. Sur Gargle, entrée errance rénaldienne. Alors, je vais vous l'appeler E-R-R-A-N-C-E, espace R-A-Y-N-A-L-D-I-E-N-N-E. Rénaldienne, R-A-Y, en tout cas. Et puis, premier errant, là, vous allez voir Blogspot, errance rénaldienne. Cliquez là-dessus, c'est moi. C'est dans l'ordre chronologique. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de Le Néant Gagné. Et l'invité, là, que je vous propose, là, c'est une fille exceptionnelle. Vous allez entendre le lion qui rugit en elle. On en fait sortir des sons, puis des voix, puis des avenues dans nos invités, à l'intérieur de nos invités. C'est une thérapie psychanalytique. Vous allez comprendre. Là. En plus, elle est jolie. Elle s'appelle Julie la Jolie. Imaginez-vous dans un bar. 2h15 du matin. Je viens de prendre le micro. On sent, mais oui, mais ça, oui, je sais, j'aime manipuler, moi, le micro. Hein. 2h15 du matin. Tu vois Julie. Tu vois bon, l'homme de service dit bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous êtes Julie. Julie la Jolie. Ah, oh, quel beau nom. Et le prénom, c'est Julie la Jolie. On va aller là-dessus. Julie Maurice Demouriot. Sans vous en dire un mot de plus, je vous laisse tomber sous le charme de cette demoiselle qui nous dévoilera sans aucune pudeur son cheminement particulier. Hein? La composition, là, c'est ça vient de ma tête. Tous les chemins des mots sont apparus sur la page blanche et mon crayon les a embrassés. C'est ça, l'errance rénadienne, hein? Oui, mais pas tout à fait, mais aussi. Pas tout à fait, mais aussi. Merci de l'avoir dit. Au revoir et merci. Non, attendez. Parce que là, Julie veut réentendre ce que je viens d'évacuer, là. Évacuer, c'est pas très beau. Ce que je viens de divulguer. Oh, c'est bien meilleur. Sans vous en dire un mot de plus. Attention. Sans vous en dire un mot de plus, je vous laisse tomber sous le charme de cette demoiselle qui nous dévoile là, sans aucune pudeur, son cheminement particulier. En juillet 2012, L'errance rénaldienne, c'est ça. Se trouvait là à Paris pour rencontrer cette fille des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Non! Ah non, parce que j'ai oublié de parler de Gaétan. L'insignifiant Gaétan, qui voulait que je pige au hasard une phrase dans son capuchon. Et son capuchon est parti où? Il est parti à Vancouver et il reviendra par les ailes de Québec Air. Oh mon Dieu Seigneur! Et qu'est-ce que ça va? Oh, ben, non, Gaétan, je vais prendre cette phrase-là. Là. Non, je peux pas. Parce que c'était Alice au pays des revers. Ben oui, elle voulait jouer au hockey, puis on s'est focusé sur son lancer. Là, elle était beaucoup trop bonne. Les joueurs la connaissaient un peu. Puis là, la veille de la partie finale, là, c'était les éliminations. Là. Puis il y avait 250 000 personnes. Il y avait des écrans géants. Tout ça a été diffusé dans toutes les maisonnées québécoises parce que c'était le hockey féminin. Et mon Alice, qui était pris d'un stress intense, la veille, on lui a fait pratiquer le revers. Au début, c'était pas grand-chose, là. Elle parvenait même pas à jongler avec la rondelle. « Tu as les yeux bleus et tu es si volée, tu jongles avec le revers. » Puis là, je lui ai dit « Tranquillement, tranquillement, prends le devant et prends le revers. » Et là, après ça, elle se pratiquait « Prends le devant, prends le revers et le revers. » Elle était tellement bonne. Elle pouvait plus rien faire d'autre que le revers. Elle, dans tout ce match-là, dans toute ce combiné, ces trois assauts, non, c'est pas des assauts. C'est quoi? On appelle ça comment? Des étapes? 20 minutes, le hockey, c'est quoi? C'est des périodes. Dans ces trois périodes, elle ne faisait que des revers. Et là, le gardien de but, qui était de l'autre côté, s'attendait pas à tout ça, là. Elle s'est dit, « Oh, oui, oui, c'est simple, mais non, elle joue en arrière! Et le but! Et le but! » Elle a fait 18 à 1 à elle seule. Les 18 buts, c'est de Alice. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, on l'appelle Alice au pays des revers. Car, au début, elle ne se croyait pas prête. Mais après coup, après avoir essayé quelques minutes, là, quoi, 128 minutes, ouais, mais ça, c'est presque 2h30. 6, 12, 18, 18, 19, 20, 21, oui, c'est presque 2h30. Ben non, non, ben oui, oui, si tu vois ça de même, mais en minutes, c'est plus simple, OK. Alors, après tant de minutes, et de pratique et de ruse, elle est parvenue à combattre dans sa tête ce qui était pour elle infranchissable. Alors, la morale de l'histoire, parce que le moral, comme toutes les histoires, mais moi, je connais l'histoire de Médée et de Poppy, mais il n'y en a pas de morale. Là. C'est Poppy qui s'en va avec Momé, puis Momé qui marche dans les eaux. Puis à un moment donné, il trouve la grenouille. Hein? La grenouille, elle n'est pas chanteuse. Là. Elle fait bribit, bribit. Pourquoi tu fais bribit, bribit? Parce que je suis sur mon nénuphar. Puis dans un nénuphar, on fait bribit, bribit. L'autre, il dit, voyons donc, toi, comment ça tu fais toujours bribit, bribit? Ben, place-toi sur un nénuphar, tu vas voir. OK, le petit garçon de 3 ans, il se place là-dessus. Mais c'est vrai, on a le goût de faire bribit, bribit. Puis là, il faisait bribit, bribit. Puis là, tout le monde se plaçait sur des nénuphars. Puis au début, il trouvait ça un peu étrange de les voir faire bribit, bribit. Mais tu peux pas faire autrement. Pourquoi je vais vous le dire? Et là, normalement, on paye là, pour ces informations-là. Là. Mais ce soir, vous êtes des privilégiés, madame, monsieur et les autres. Au mois d'août, j'ai le goût de vous donner des informations hors du commun. Et c'est pas vrai, un autre malade. Là. Je connais des choses, je connais des choses. C'est que comment t'appelles ça? Des nénuphars. Oui, c'est ça, des feuilles sur l'eau. Sont branchés en dessous. Par quoi? Par des algues. Les algues amènent une vibration. Et les vibrations, okay, les algues sont plantées dans le sol souterrain navigable, qu'on appelle la couche boueuse. Oh mon Dieu, moi, il y a 6 mois, ma mère a dit que tu avais la couche boueuse, mon champion. C'était boueux, boueux, boueux, boueux, boueux. Hey, aujourd'hui, on ferait du compost avec. On composterait ça, puis on envoierait ça à des pays où ils voudraient creuser pour faire planter des chênes au creux de leurs champs. Puis ils feraient ça en une semaine, mais perdrais je ma peine. Mais bref, c'est ça. Ils sont branchés, les nénuphars, par l'algue dans la croûte boueuse. Et la croûte boueuse, ça fait. Là, ça fait une vibration. Et sur le nénuphar, ça fait. Et quand tu es assis là-dessus, tu as comme une vibration bizarre. Puis tu as juste le goût de faire brubit, brubit. Essayez ça, là. Fin août, là, avant que l'hiver fonctionne, là, prenne son train de chemin. Un train de chemin, il y a le TGV. Non, bien, en fait, prenne son élan pour devenir blanc. Le rapide blanc. Ah ouais, non, c'est pas ça. Mais pratiquez-vous. Allez-y sur un nénuphar, là. Ou plantez-vous en un chez vous à la maison. Placez ça dans le bain, un tapis coupé,

Bruce Fowler on trombone, Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocals, Terry Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Denny Wally on slide, George Zook on keyboards, Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. Comme okay. Ça, on me voit comme ça, on dit bon, elle a quelque chose dans. Elle fait attention, c'est pas. Voilà. Mais on est rendu de plus en plus comme ça, non? Hein? On est rendu de plus en plus comme ça, on est rendu une société sur-sécurisée? Non. Non? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, moi, par rapport au vélo, c'est vraiment vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Oui. Voilà, c'est tout. Je trouve ça. Es-tu sûr que c'est une eau minérale? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bulle. Ah non, minérale, ça veut dire. Ça c'est une autre source. Mais c'est marqué, regarde. Bah ouais, mais il n'y a pas de bulle là-dedans. Eau minérale. Ouais, mais non, c'est eau gazifiée ou eau gazeuse, ce que tu dis, toi. Ouais. Eau minérale, c'est l'eau qui vient d'une montagne, en fait. Ah, c'est une bouteille, quoi. Ok, nous, c'est de l'eau source. Pas du robinet. L'autre source, ok. D'accord. Oui, bah si, on peut dire autre source aussi, si tu veux. Parce qu'une eau minérale, c'est une eau pétillante. D'accord, c'est Perrier. Vrai. Ah bon, ouais. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Toi, tu fais du théâtre. Tu as écrit des pièces de théâtre. Tu es aussi... non, c'est bien. C'est... On n'est pas à la télé, donc... elle a craché sa prothèse. Non, ma prothèse. Mon pépin de, exact. De citron. Oui, elle s'est fait passer un citron. Mais tu as aussi des arts martiaux? Des arts martiaux? Non, j'ai essayé, oui. Ben oui. Non, mais... ben non, oui, peut-être. Non, mais c'est pas parce que, pour être franche, c'est pas parce qu'on en a fait un petit peu ou que tu m'as connu aussi à cette période que je continue vraiment. En fait, les pièces de théâtre, j'en ai écrit deux qui sont en friche, on va dire. J'ai commencé à les écrire, mais je sais que j'ai pas fini. Et en fait, comme c'était un projet de fin d'année par rapport à ma fin de cursus, formation chez Eva Saint-Paul. Oui, ben en fait voilà, j'avais commencé à écrire une pièce, après je me suis dit non, j'ai une autre idée, j'en ai écrit une autre et en même temps je voulais vraiment jouer une autre pièce qui était Mademoiselle Julie. Donc j'avais trois projets, après j'en ai laissé un, j'ai laissé la première pièce et je me suis intéressée plus à la deuxième. Et je l'ai présenté dans un théâtre et puis ça l'a pas fait dans le théâtre. Bah t'as pas joué l'année dernière. Si j'ai joué, mais pas les pièces que j'ai écrites. Les pièces que j'ai écrites, en fait, comme je te dis, maintenant elles sont en friche. Il faut vraiment que je les retravaille, mais c'est un début de quelque chose. Mais à l'origine. Oui, vas-y. Oui, pardon. Non, vas-y. Non, et puis Mademoiselle Julie, je l'ai joué, on a monté tout ça. Il y a eu beaucoup de péripéties, c'était vraiment pas facile à monter, mais ça a donné un super résultat, je suis très contente. Mais à l'origine, tu as une formation en création littéraire ou en art dramatique. Ok, ok. À quel endroit? Comédienne chez Eva Saint-Paul. Ok. C'était dans le 13e arrondissement. C'est privé? Oui. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'est... À l'origine, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce que t'as voulu? Est-ce que tes parents en font? Est-ce que tes frères en font? De l'art dramatique? Oui, de l'art dramatique. Pas du tout, non. Pourquoi j'ai voulu être comme ça? Franchement, c'est être cash. Comme ça, ouais. C'est cash, ce que je veux dire, mais je pense que c'est juste primordial dans ma vie. Quoi, d'être connu, reconnu? Non, pas du tout. D'exprimer mes sentiments, mes émotions. Parce qu'en fait, sinon je serais devenue folle. Non, mais tu peux le faire à travers la poésie. Oui, non, mais bien sûr, mais moi, il y a aussi le corps, en fait, qui compte. Bien sûr, on peut aussi interpréter une poésie par le corps, tout ça, mais moi, j'ai besoin d'aller dans tous les registres. Ah, mais c'est de là aussi tes arts martiaux, c'est comprendre comment tu fonctionnes. Ça, les arts martiaux aussi, oui, ça fait partie de, du corps. Et ton cursus. D'avoir c'est ça, oui. Non, je suis gentil, moi. Oui, normalement. Non, mais c'est, oui, d'exprimer les arts martiaux, c'est bien tombé. Pour exprimer une certaine violence, j'avais besoin de me défouler. Et en fait, j'ai... Pourquoi? J'ai découvert... Pourquoi? Oula, ça remonte à l'enfance, tu veux savoir ma vie ou quoi? Non, on n'a pas le temps. Ok. mais une violence, parce que par rapport à la vie aussi... enfin, on va pas tomber dans la philosophie et tout. Non, ben oui. Mais une violence par rapport à... On nous fout sur terre, on sait pas où on était avant, on sait pas... Ouais. Voilà. Ça, c'est le néant. Faut aimer la vie, quoi, tu vois. Enfin, on n'a pas le choix. Et... Ben, et on a le choix, oui, on a le choix. Donc, on sait pas pourquoi... Non, mais on a le choix. Oui, ben, bien sûr, mais... Oui, on a toujours le choix, mais bon, enfin bon, entre le choix d'abandonner ou de continuer, moi, pour moi, il n'y a pas le choix, quoi. Tu continues, quoi. Ok. Il y a quelque chose qui existe, bon, ben voilà. Mais bon, c'est pas vraiment qu'on vit, parce qu'après, on va partir, personne ne se souviendra de nous, tout ça. Bon, la vie, c'est un peu, voilà. Tout c'est... Et puis, il y a une violence par rapport à ça, par rapport à la... À la mort? Ouais. Bah ouais, ça fait chier de mourir, quoi. Ok. Ouais, mais Woody Allen disait, la vie éternelle, oui, mais c'est long vers la fin, tu sais, à un moment donné, il faut se... Non, mais ce serait pas aussi intense. Non, mais heureusement qu'il y a la fin. Ouais. Heureusement. Jim Morrison disait notre seul ami, la fin, puis... Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, voilà. Non, mais voilà. Bon, après, violence par rapport à des trucs... par rapport à... Ouais, à l'enfance, par rapport à... Quoi, tu as eu une enfance difficile? On peut pas dire ça. C'est tellement compliqué, en fait. C'est tellement... A priori, j'ai eu une enfance super bien. Enfin, même si mes parents sont divorcés, pas du tout en Haute-Savoie. Ok. Ouais. Même si j'ai eu des parents divorcés, je pense que ça change rien. Enfin voilà. À quel âge? J'ai été très aimée. Je sais pas, j'avais, je sais plus, 4 ans. Oh. Ouais, 5 ans. Ça marque un enfant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais a priori, je pense pas que, je sais pas. Bref, pas trop de réflexion encore sur le divorce, ça peut arriver à tout le monde, donc faut pas faire les malins. Ouais. Mais comme la majorité, majorité maintenant les gens ils se battent plus trop. Hein. Enfin bon. Et ouais, bon voilà, issu de parents divorcés, enfin évidemment, bon à l'âge de 5 ans, tout ça. Mais c'est pas tant ça en fait, j'ai vraiment été élevée avec de l'amour. Plus du père ou de la mère? Des deux, hein, des deux, c'est pour ça que je dis, a priori. Les deux habitent dans la même région? Ouais, à peu près, ouais. À cause de toi? À cause des enfants? À cause du travail, parce qu'ils sont jamais sortis trop de là où ils sont nés, voilà quoi. Et voilà, non, a priori, tout allait bien, tout ça, mais justement, c'est pas... ma mère est très spéciale, en fait. Extravagante ou... Non, pas du tout. Extravagante, je sais pas, un petit peu... C'est bizarre parce qu'elle a autant de superficialité en elle que de sensibilité. Profondeur. Ouais, mais voilà. Et puis en fait, t'es aimé dans l'amour. Est-ce que tu connais Sonate d'automne d'Igmar Bergman? Bah voilà, en fait, c'est Igmar Bergman. Ouais. J'ai dit quoi? Igmar. Pas grave. Comment tu dis? Igmar. Igmar. Igmar Bergman. Le grand Igmar. Non, Igmar, j'ai dit. Oui. Oui, mais parce que ING. MR, Igmar. Bon, bah voilà. Ah, peu importe, on a compris, on sait qui c'est, oui. Ben, c'est un. Et en fait, ça a révélé des choses. Je me suis dit, putain, c'est moi. Quand elle dit sa mère, quand elle lui dit à sa mère, tu as un danger mortel, on devrait t'enfermer pour t'empêcher de nuire, des choses comme ça. Genre, ah oui, tu te sentais interpellée? T'étais un peu comme. C'était totalement moi, mais sauf que c'était pas totalement moi parce que le personnage il est plus vieux et que moi du coup j'ai fait ce travail avec ma mère, du coup je l'ai vu, je lui ai parlé, je lui ai dit tu m'as bouffé quoi. Ça a l'air d'être aimant, elle a l'air d'être là, elle est là, mais trop là, et elle dit trop de choses pour une gamine, et puis elle te prend en otage. Je raconte des trucs super personnels. Beaucoup, elle suce des. C'est ça, ouais, et puis en plus elle se rend même pas compte. Et puis en fait c'est. Maintenant, je pense que ma mère, c'est une gamine en fait, une gamine hystéro sympathique, hein, mais moi c'est bon quoi. Et en fait, être élevée par une gamine qui n'a pas évolué depuis ses 17 ans par rapport à un souci qu'elle a eu, qui est totalement respectable, mais bon, je pense qu'il faut évoluer dans la vie. Et c'est toi qui as écopé malheureusement. Je lui en voulais là récemment, parce que je suis en travail sur moi-même, tout ça. Est-ce que tu consultes, non? J'ai essayé. Okay. Et en fait, ça a pas. J'ai pas du tout aimé le contact avec le mec. Après, je devais en voir un autre. J'avais pas les sous, machin, voilà. Alors, tu fais ton cheminement. Ouais, mais c'est pas un contact genre je voulais pas avancer ou quoi. C'est vraiment un contact. Bonjour, le mec, il veut que je lui expose ma vie pendant une heure. Après, je lui lâche 60 euros. Moi, il faut pas une heure pour parler de ma vie. Non, moi, j'ai fait aussi ma propre analyse moi-même. Et mon frère aussi m'a aidé, qui sait d'où je viens, tout ça. Donc, pas besoin de voir quelqu'un. J'ai essayé, tu vois, j'essaye. Mais franchement, il y a des signes qui te disent non. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Ben, tu parlais de ta mère qui te prenait beaucoup. C'est ça. Et donc, c'est comme ça, à 4 ans, ils ont divorcé. Ouais, voilà, enfin bon, ah oui. Non, je disais aussi par rapport à ma réflexion d'aujourd'hui, ce pourquoi j'en veux à ma mère énormément, c'est en fait... Et je pense que vraiment, c'est très courant, malheureusement, c'est d'avoir eu des enfants... Pendant plusieurs semaines. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'elle-même, c'était une enfant. Encore une enfant, ouais. Mais sans être équilibré en fait avant. Ok. Mais j'en veux aux personnes de faire des enfants quand eux-mêmes ça se sent quand on est déséquilibré. Oui, mais il n'y a pas un manuel pour faire des enfants non plus. Mais il n'y a pas de manuel qui dit je suis capable d'avoir des enfants donc. Non, mais je pense que tu peux sentir un équilibre et je pense aussi que l'équilibre tu le trouves à deux. Later she speaks on how Perellus might cause her. chunks are me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late till morning comes. Let's desolate. Stones along my love, and keep along my heart. 3 guns and 1 goes off. 1's empty, 1's not quick enough. 1 burn, 1 red, 1 ring. Sets of grains while the cavern spins. Chunks of you will sit down to seals. Blubber rich in morning. I'll mash you up, yes, I know, so love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points for 2 lines. Desolate. Parce que en fait finalement moi j'ai tellement vécu toute seule avant là et récemment là je veux pas faire la maligne parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mais là je suis amoureuse depuis peu et puis ça se passe super bien, mais parce que je le veux aussi, enfin parce que j'étais prête en fait. Avant j'étais fermée comme une huître et je suis tombée amoureuse d'un mec que je vois qui travaille avec moi depuis 3 ans et seulement maintenant tu vois je me dis ça y est je suis prête et tout, et en fait tant mieux, heureusement que j'ai pas démarché avant, parce que sinon ça aurait été dommage pour une histoire d'amour qui est vachement belle. Mais oui. Ah, je sais ce que je voulais dire, tellement de choses. Non, mais pour aimer, il faut être disponible aussi. Alors là, tu l'es disponible, avant tu ne l'étais pas. Oui, c'est ça. Il faut s'ouvrir, mais donc justement, il faut sentir les choses. Et donc, en fait, je pense que les étapes dans la vie, moi, après tout, tant pis, moi, je t'expose ma philosophie. Écoute, mais c'est vraiment trouver ton équilibre. En fait, ouais, mais non, il n'y a pas de... Moi, c'est mon parcours, je m'en parle de soi. Ben oui, mais c'est ton cursus. Ouais, oui, mieux, parce que je ne peux pas généraliser non plus. Ouais. En fait, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver mon équilibre personnel, moi. D'avoir vécu des trucs bizarres avant en tant que comédienne, tant mieux, parce que, voilà... Alors, ça peut t'aider, c'est ça, la comédie, ah bah ouais, c'est pour te transcender. D'être limite au bord du suicide. En fait, tu te dis, je veux escaper, ça peut aider. Non, mais tu veux faire la Béatrice Dalle de... Tu veux faire une Béatrice Dalle de toi-même. Oui, je la connais pas trop, pardon. Non, mais tu connais 37 du matin, tu connais les œuvres les plus importantes de... J'ai vu... Oh, j'ai pas une cinéphile encore, enfin... Comment? Comment? Oui, pardon. Non, mais je m'intéresse et tout, mais en fait, je viens pas du tout de là, comme je te l'ai dit. Ok. Et ma culture cinématographique, en venant à Paris, c'était Jennifer Lopez et... Ok, ah oui, il y a que c'était... Donc, je reviens de loin, en fait, tu vois. Écoute, ici, c'est le centre. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas drôle, parce qu'en fait... T'as l'air d'être gênée, oui. Non, mais Jennifer Lopez, quand même, dans ses films, elle véhicule des bonnes valeurs, quand... Il faut... Je sais pas, dans un de ses films, il y a une phrase U-turn, c'est elle qui a fait U-turn, ou un film de Oliver Stone. Mm. Moi, je sais pas, j'ai pas vu celui-là. Mais bon. J'ai vu des trucs cons comme, comme Coup de foudre à Manhattan, mais tu vois, je vais te dire, Coup de foudre à Manhattan, il y a une phrase qui a guidé aussi ma vie et ma façon de travailler, j'en suis très fière aujourd'hui, c'est qu'au moment où elle se fait virer de l'hôtel, faut voir le film, pourquoi ? Bon, bref, elle est parfaite dans son rôle de bonne femme de ménage et qui veut tenter, enfin, qui rêve... d'avoir une relation avec un mec plus élevé dans la société. Okay. Bref. Un bureaucrate. Ouais, voilà. Et du coup, à cause d'une histoire comme ça, on la vire de l'hôtel parce qu'elle a eu une relation. Parce que, avec JFK. Non, et puis parce qu'elle a emprunté un habit d'une dame, elle n'avait pas le droit. Okay. Voilà, quoi sa phrase? Et en fait, cette phrase, voilà, pardon. Non, vas-y. Cette phrase. Ah, c'est marrant parce que c'est pas la phrase auquel je pense du moment. Pardon. Merci. Non, la phrase. Oh, c'est un super acteur qui dit cette phrase à ce moment-là. C'est pas Diamond. Il dit comment. Ah, je sais Diamond. Pas comment il s'appelle. Okay. Je suis désolée. C'est pas grave, non, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un super acteur en tout cas qui lui dit, vous savez. C'est pas cette phrase-là que je voulais dire, c'est pour ça que je suis en train de la rechercher. Mais lui dit il faut pas se. C'est pas grave de tomber, en fait, c'est de la façon dont tu te relèves, voilà. Ouais. Donc ça, c'est une phrase, et l'autre phrase que je voulais dire qui m'a guidée, en fait, c'est un autre moment, c'est quand sa mère veut lui proposer du travail, et finalement, elle lui dit, bon, c'est fini, les hôtels, tu vas aller travailler chez Madame Machin, ça va être très bien. Et elle lui dit, mais, bon, en anglais, there is no way to go from there. C'est-à-dire, elle dit, non, je veux pas aller travailler chez cette dame, c'est pas un je peux aller nulle part avec ce départ-là. Mmh. Et en fait, moi, ça m'a guidée par rapport à mon travail de me dire, Julie, t'arrives à Paris, t'as aucun contact, rien du tout, mais en tout cas, tu vas choisir un travail où tu sais qu'il y a un départ à quelque chose. Et qu'est-ce que t'as fait ? Où tu peux. Mais en fait, j'ai eu la chance d'être hôtesse de vestiaire aux Folies Bergères. Ok. Encore aujourd'hui ? Non. Okay. Pendant un an, à l'époque de Cabaret, c'était formidable. Okay. Oui. Ben oui. Et en fait, c'était mon spectacle préféré. Okay. Et je suis allée le voir 100 fois. Okay. J'étais juste passionnée, vraiment, mise en scène par Mendes. Oui. Ouais, c'est ça. Mendes. Ouais, ouais. Et puis un autre, voilà, celui qui a fait Chicago. Ok. Ouais. Bref, enfin, super comédie musicale, la meilleure, vraiment. J'y allais vraiment tout le temps, et même pour te dire, on n'avait pas le droit de filmer, mais moi j'y allais tellement tout le temps que je mémorisais les chorégraphies et je les ai refaites à l'école, et ça m'a beaucoup aidé dans ma formation parce que j'avais du mal à m'exprimer avec les mots. Okay. Alors, du coup, j'ai reproduit des scènes carrément. Et des Folies Bergères, après, je suis passée à l'Olympia pour te la faire courte. Et à l'Olympia. L'année dernière? Non, il y a déjà 2 ans. Ok, parce que j'y étais l'année dernière pour Iggy Pop, donc j'ai dit que je t'ai pas croisé. Ah. Les Stooges. Non, c'était pas là. J'étais au vestiaire à l'Olympia. Ok, c'est bien. Et à l'Olympia. Est-ce que c'est bien payé? Est-ce que c'est bien payé? Non. Okay. Non, au vestiaire, non. Salaire minimum? Ouais, voilà. Ok. Ouais. Et en fait, on était à côté du bureau du responsable, bref. Et puis moi, je sympathise avec tout le monde, en tant qu'affaire. Et puis je lui dis, si vous avez besoin de quelqu'un, demandez-moi pour venir plus régulièrement au vestiaire. Parce qu'en fait, c'était une entreprise qui disait, telle fille à tel endroit à ce moment-là. Okay. Ouais, voilà, avec des contrats de vacations, tout ça. Et comme il y a des filles qui n'arrêtaient pas de se plaindre, elles ont marre de travailler, j'ai dit, moi en tout cas, je veux travailler. Je suis là, quoi. Mmh. Enfin, sans parler des autres, mais dire, si vous avez besoin de quelqu'un. Et en fait, à la même période, l'Olympia et Universal ont acheté une petite salle dans Paris qui s'appelle le Sentier des Halles. C'est une salle de concert, 120 places. Où ? C'est 50 rue d'Aboukir. Ok. Métro Sentier, Auréomur, Sébastopol. Et en fait, ils ont racheté cette petite salle pour découvrir les talents, pour les lancer. Et on m'a proposé d'être au bar dans cette petite salle. Au bar ? Au bar. Ok. Voilà, donc ils m'ont testé au bar à l'Olympia. Et puis après, j'ai filé au Sentier. Donc, c'était une salle un petit peu vieille. Enfin, elle commençait à tomber quand même. Moi je bois pas à l'origine. Alors comment tu faisais pour En fait, je suis arrivée, il y avait 3 frigos. Okay. Il y avait des canettes. Okay. Je devais juste dire ce que je vendais. Je te demandais un cocktail, comment tu préparais? Je dis actuellement, là, aujourd'hui. Non, mais est-ce que tu as appris à faire des cocktails? Les cocktails, oui, j'ai appris à en faire, mais c'est totalement spécial, en fait. Okay. Maintenant, on fait des cocktails, mais c'est dans des bocaux. C'est des cocktails spéciaux, le Sentier des Halles, genre... C'est déjà préparé. Non, c'est moi qui l'ai fait, okay. Mais dans des gros. Ah, tu travailles encore là? Dans des gros. Oui, je travaille okay. depuis 3 ans et je okay. suis trop fière. Ça. Ah oui, c'est bien. Ah ouais, ça prend de l'ampleur et puis en plus, comme c'est le milieu de la musique, tu rencontres des artistes. Que... Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, je suis un peu la seule comédienne dans ce milieu-là. Je suis contente okay. parce que ça ne met pas trop de pression. Parce que quand t'es comédien et que tu travailles dans un théâtre, t'es toujours là. Ouais, bah oui. Voilà, tu ouais, il y a une vie. Ouais, et puis t'as envie de plaire toujours. Enfin, mon bref, là, c'est la musique. Donc, je me sens moins concernée par les producteurs. Donc, je suis très naturelle. Ça me va très bien et en plus je rencontre des super artistes qui sont intéressés pour que je joue dans leurs clips. Ah, ok. Voilà, où je travaille aussi mon patron. Mon patron, il est aussi directeur, enfin directeur, il a une agence. Je sais pas comment on appelle. Oui, une agence, oui. Il a une agence d'événementiel, tout ça. Enfin, je crois que okay. Non, ça s'appelle pas comme ça. Ben, pour des événements particuliers. Ouais, je sais pas, enfin, il est dans le management et tout ça. Il lance des événements, quand même. Okay. Et en fait, quand il a besoin de faire un petit spot, ben là, comme récemment... C'est toi. Et ben ouais, mais quelle sorte il m'inclut dedans. Quelle sorte de spot? Ben, tu pourras aller le voir si tu veux. tu tapes sur Dailymotion, Recycling Party. Ah, c'est très francophone. Et pourquoi? Ben, c'est épouvantable. De comment ça? De quoi? Ben, c'est un anglicisme. Ah, là, le Recycling Party? Ben oui. Ah oui, mais ça, il n'y peut rien. Hein. Ouais, ok. Ça, c'est en fait Recycling Party, c'est un concept party. Formidable, ouais. J'espère que tu pourras venir. Ouais. C'est le 29 septembre à la Cigale. Ben non. Ah ouais, tu peux rentrer au Québec. Ben oui. Je m'en vais le samedi. En fait, je t'explique le concept. C'est, ouais. Tu amènes un appareil qui s'appelle un D3E. C'est-à-dire, c'est un appareil électronique, genre ton portable qui est fichu, ton sèche-cheveux, ta machine à laver, okay. tu t'en sers plus, c'est fichu. Ben, la machine à laver, pour avoir... Bah oui, mais bon, j'exagère, okay. mais c'est okay. sympa si tu amènes ta machine à laver pour le poids. Ok. Bref. Et contre cet objet que t'amènes, bah, t'as une place de concert. Okay. Et au concert, t'as Camélia Jordana, t'as les Fils Monkey qui sont absolument formidables. Ouais. Faudrait que t'interviewes. Ouais, ouais, ouais, ouais. Fils Monkey. Oui, je connais. Ah non, ouais. C'est formidable. Mm-hmm. Ils viennent, grâce à YouTube. Hein. Ils sont au sentier, eux. Ok. Voilà, et puis en fait, on les a un peu découverts quand même. Ok. Enfin, ils sont venus, on les a découverts. Oh, oui, oui, oui, je comprends. Là, quoi, oui, mais. On est d'accord. Mais puis, il y en a plein de personnes qui ont du talent. Si on les découvre pas, ils font rien. Hein? Il y a plein d'individus qui chantent, qui jouent la comédie, mais si on les découvre pas, comment tu veux les propulser? Ouais, ouais. Donc, bah après, bon, bah, c'est le destin, quoi. Oh, oui, oui. La, la, tra, la, tra, la, la, tra, la, la, tra, la, tra, la, la, tra, la, la, tra, la, tra. Pleasure, boom, she pleasure. Deep greedy and googling every corner. Oh, choir. In your hoof lies a heartland with a temple. Our treasure, pleasure, leisure is all in your eyes. In your snatch with pleasure, a boom say pleasure. Deep greedy and googling every corner. Baby. Babylon, in Babylon, noyé sous les flots de musique électrique, de rock and roll, tu recherches un rôle, tu recherches les studios et les traces. Mentionné Jim Morrison, errance canadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie, j'ai rien compris. Comme le mentionne Jim Morrison. Connaissez Jim Morrison? Moi, j'ai jamais connu la porte, là, ni les fenêtres, le mur, le souterrain et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui s'ensuit? Tout. Mais les Doors, la porte. J'ai pris la porte souvent. Ma femme m'a dit, prends la porte. Il y a 250$, pour je la prends pas. Je la laisse. Je te laisse la porte, puis je te prends je te prends le plancher. Ben voyons donc, qu'est-ce que tu veux faire que j'ai avec le plancher? Ben tu iras dans le sous-sol. Comme le mentionnait Jim Morrison, l'errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Ah oui, ben là, il faut dire peut-être la phrase, amener le. Parce que là, si tu arrives avec ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire surtout? Il faut faire avant de le dire, parce que si on ne le dit pas avant de le faire, qu'est-ce qui va arriver? Hein? On sait. Allô? Jolie, est-ce la jolie ou c'est jolie la jolie? Allô? Il y a un court-circuit. On aime ça, les court-circuits, parce que ça nous amène d'autres. Allô? Allez-y. Jolie, Angelina Jolie, ou c'est Jolie de Jolie? Non, c'est Angelo. Angelo, Angelo, tu restes juste là. J'ai ton nom tatoué jusqu'au bout de mes lèvres. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil. Angelo, Angelo, tu l'aimes, l'ambrello. Sous la pluie, tu verras, la lumière apparaîtra. Ouais, mais pas sous ton parapluie, il est noir. Mais j'aime ça, le noir, moi. Le noir me réconforte. Moi, là, je me suis procuré, il y a 2 semaines, un genre de cube. Un cube vide à l'intérieur, là, mais sombre à l'extérieur. Oh, mon Dieu, c'est comme une palette de chocolat. Une palette de chocolat. T'en as-tu des bonnes palettes de chocolat? Ben, j'ai des palettes. Oui, ils sont pas en chocolat. Non, ils sont en dents. En dents de scie. Si tu chantais avec moi. OK. Allez-y donc, monsieur Bukowski, lâchez les dents. Eric Knowles, Noel, c'est Eric Noel, K-N-O-W-L-E-S, Knowles. Eric, t'as les Knowles ouvertes, s'il vous plaît, recouvre-moi ça. Se réveilla. Est-ce que c'est les Knowles ou Eric qui se réveille? Ah, ben, c'est un seul, parce que Eric Knowles, c'est une personne. C'est un personnage inventé par mon ami Charles, OK? Essaye de conceptualiser. Moi, j'ai conceptualisé, comme tu dis, là, conceptualisé la naissance de ma fille. Avant même qu'elle soit placée dans le ventre de mon épouse. Et puis, ben oui, c'est mon médecin qui dit conceptualise, amène dans ta tête ce que tu veux que se passe dans le ventre de ta femme. Là, j'ai dit, c'est pas ma femme. Ben, la fille que tu aimes, oui, c'est la fille que j'aime, mais c'est ma maîtresse. Parce que ma femme, c'est une autre personne, c'est pas elle. Mais moi, je veux donner un enfant à la femme qui n'est pas ma femme. Oh mon Dieu, c'est très clair, merci. Mm-hmm. Alors, je constitue dans ma tête. C'est très simple, là. C'est comme si tu avais un projecteur à l'intérieur. En Super 8, en 16, en 32, IMAX. Ben, je comprends pas ça, le langage cinématographique. Ben oui, c'est pas compliqué. Super 8! Ça, c'était les années 70, là. Ton père avait un Super 8. Non, ma mère a dit qu'il avait un réflexe. Réflexe! Il y a eu 18 enfants. Réflexe, hein? C'est un réflexe. Réflexe, tabarne, la mère. Après 9 mois, réflexe un autre. Réflexe un autre fois. Ah ouais, donc 18 fois. 18 fois en quoi? En 20 ans. J'ai eu 18 enfants en 20 ans de ma vie. 18 enfants ont fait de moi un néant. Comment tu veux élever 18 enfants en 20 ans, toi là, là? Mon mari travaillait presque pas. En fait, il faisait réflexe. Il faisait des enfants. Réflexe. Je l'ai envoyé chez la voisine. Réflexe. Il a fait 18 enfants à elle aussi. À un moment donné, c'est lui qui a popularisé toute la ville. On dit pas. Oh non, on dit popularisé, on dit. Copuler toute la ville. Ah, oh, mon Dieu. Et on cachait les poissons rouges. Réflexez, monsieur. Il était prêt à tout, lui. C'était un malade, un malade. Il était pas sédentaire. Oh! Il était c'est dans la mer. C'est dans la mer qu'on voit danser le long de Grimmel. Alors, Eric Knowles, lui, se réveilla dans la chambre de motel et regarda autour de lui. Est-ce que l'homme qui fait des réflexes est là? Ah non, il est parti. OK, merci ma voix. Je suis pas ta voix, je suis ton âme. Ah mon Dieu. Il me semble que j'ai pas acheté d'âme. J'ai pas dit âme, j'ai dit âme. Âme. Amen. Oui, on va amener l'âme à quel endroit? Sous l'oreiller, parce que j'ai un mal de caboche. Je sais pas, Quand j'étais garçon, j'étais gabochon. Maintenant que je suis grand, j'ai la caboche qui vibre. Ah, mon Dieu! Ah, je crois que c'est pour oublier mon enfance que j'ai la caboche qui brille, qui vibre. Là, on m'a dit que si ça vibre trop, à 65 ans, ça vibrera plus. Ça se souviendra plus que ça vibrait, cela, là. Tu vas être dans un néant. Tu vas être dans un brouillard. J'en ai parlé la semaine dernière, là. Ombre et brouillard. Hey, t'as de la suite? Ah, ben voyons. J'ai encore de la suite pour le moment. Ça viendra qu'à un moment donné, il n'y aura plus de suite. Ce sera terminé. Comme disait Jim Morrison, de Diane. Voyons donc. Sois pas pessimiste. En plus, tu tousses en même temps, ça n'a pas paru. Les gens sont imaginés que c'était dans l'impro, puis c'était une projection du mot. C'est vrai, tu as raison, projection du mot. Comment ça, t'as divulgué le problème technique? Oh, moi, je suis comme le religieux. Je dois dire la vérité, sinon je me sens coupable. Je peux pas mentir. Comme tous les prêtres, comme tous les curés, comme toutes les sœurs, toutes les membres ecclésiastiques. Et quand tu es ecclésiastique, chrétien, tu ne peux pas cacher le malheur. Tu dois tout dire. Par exemple, je n'ai pas voulu, moi, voler l'emballage de saucisses. J'ai voulu payer, mais je l'ai tenu dans ma main, je suis parti. J'avais acheté 250$ de nourriture, mais je l'avais dans ma main, je pensais que c'était mon porte-monnaie. Arrivé à ma voiture, ma Rolls Royce, je me suis rendu compte que c'était pas mon portefeuille, mais c'était 6 saucisses. Et là, j'ai dit, oh non, Satan est dans ces 6 saucisses-là. Est-ce que je dois éliminer ces 6 saucisses-là? Là, il y a une voix qui m'a dit, oui. En voyant dans toi, oui. Ah, je peux pas. Oui. Mais si je dis non, tu dis oui. Ah, je vais dire oui. Allez donc, excuse-moi. Ça va bien, ça va très bien. Alors, j'ai dit oui. Je suis rentré, je suis allé voir la petite caissière. J'ai dit, petite caissière. Je suis pas petite. Grosse caissière. Je suis pas grosse. Caissière. Je suis caissière. OK, madame caissière. Madame caissière, c'est monsieur Grenier. J'ai acheté 250$ de nourriture. Est-ce que vous me replacez? Ah, je vous replace très bien. Vous êtes un malade qui dépensait tout le temps. Oui, c'est moi le malade qui dépense tout le temps. Mais là, j'avais dans mes mains 6 saucisses. Mais là, je croyais pas que c'était 6 saucisses. Mais voyons donc, vous. Non, je pensais que c'était... Ah, je sais votre portefeuille. Comment ça, vous savez ça? Ben, j'ai écouté votre émission et puis... C'était excellent, bravo. Gardez-les, les saucisses. Hein, vous êtes certain? Ah, vous êtes le meilleur. Vous êtes certaine? Excusez-moi, je me suis trompé de sexe. Ben oui, on me trompe souvent de sexe avec moi. Mais quand vous tenez 6 saucisses, vous tenez 6 saucisses. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, avec votre 6 saucisses-là, pouvez-vous m'inviter à manger de la saucisse? Ben oui, ma petite caissière, je suis pas petite. OK, merci la caissière. Oui, je suis caissière. Alors, à quelle heure vous finissez, caissière? Ben, je finis sur ce pas. Sur ce pas déloyal, parce que normalement, je devais terminer à 18h. Il est quoi? Il est 15h13. J'abandonne mon travail. Je me livre à vous. Hein? Attendez, moi, j'ai juste 6 saucisses. Là. Je ne vais pas avoir une autre saucisse. Là, je ne suis pas une saucisse, moi, là. Vous êtes une caissière. Ben oui. Savez-vous comment agrémenter la saucisse? Ah, moi, je connais la saucisse. Ben, OK, venez avec moi. Là, vous allez perdre votre emploi. C'est pas grave, on a 6 saucisses. Ben, vous avez totalement raison, madame. Venez avec moi, on va faire une famille complète avec 6 saucisses. Oui. Croyez pas que ça peut. Ah, ça se peut si vous voulez. Je le veux. Allons-y. Oh! Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas. détruira le monde par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il l'aime. Nous vous aimons, vous nous aimez. Il m'aime, il t'aime, ils aiment. Aimons-nous quand même la mort unie sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords, de nos tueries. On tue sans réserve par amour de sa patrie. Sans histoire lorsque l'on vit sans aimer. L'amour, c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. Resserrons l'étreinte qui nous étouffera. Je m'aime, tu t'aimes, il s'aime. Nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime. Et voilà, et puis Thomas VDB, tu connais? Non, c'est un humoriste français, enfin, okay. Il va présenter la soirée. Okay. Et voilà, et en fait, voilà, c'est super. Et en fait, toi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire des pièces de théâtre? T'as une formation en création, au contraire, qu'est-ce qui m'a amené à écrire une pièce de théâtre, deux pièces de théâtre même. Pourquoi du théâtre et non pas de... Bah, en fait, j'écrivais... je suis partie en Amérique en tant que fille au père après mon bac. En Amérique? En Amérique. À quel endroit? Manhattan, bien sûr. OK, à cause de Woody Allen. Woody Allen? Ouais, aussi. Non, mais est-ce que tu le connais, Woody Allen? Oui, bien sûr. OK, tu l'aimes? As-tu vu des films de Woody Allen? Oui, j'en ai vu, mais est-ce que je l'aime? Je sais pas trop, parce qu'en fait, le dernier que j'ai vu, c'était celui... Non, mais t'as-tu vu Manhattan? T'as-tu vu des films comme Zelling? As-tu vu des... Non, j'ai pas, à mon avis, j'ai pas vu les meilleurs films, en fait. Si, Match Point? Oui, ah, excellent! Ça, c'est bien. C'est excellent, puis en plus, c'est pas un très bon film de Woody Allen, mais c'est excellent. Le film avec Marion Cotillard, le dernier, là. J'ai pas vu. Il y avait Cotillard. Par exemple, j'ai pas du tout aimé, quoi. OK. Et puis... Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Alors, ce qui m'a amené à l'écriture, donc, je... en fait, quand j'étais fille au père, à l'année de mes 19 ans, j'écrivais... Il n'y a pas longtemps, j'ai 26 ans. Ben oui. Ouais, si tu le dis. Et en fait, j'ai gardé contact avec les gens de ma famille. En fait, j'expliquais tout. Voilà. J'ai développé une sorte de... Ouais, de... Plaisir à écrire. Ouais, exactement. Et puis, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à mes écrits, alors que c'était pas du tout le but. Et je me suis dit, quand je vois une copine qui dit qu'elle fait lire le truc à sa mère, qui le fait lire et que c'est super intéressant, et que c'est drôle et tout, tu te dis, il y a peut-être quelque chose, c'est sympa, quoi. Et puis aussi, par rapport à l'école aussi, en français, quand j'étais à fond sur quelque chose et que j'étais vraiment moi-même, je me souviens que j'ai eu des 19, des 20. Et du coup, tu te dis... Des 20 sur 100 ou sur 20? Nous, il n'y a pas de 100 encore. Ouais, des 20 sur 20, C'est une blague, c'est une blague. Et voilà, puis tu te dis, il y a quelque chose. Mais c'est pas aussi facile, le théâtre. Mais attention, j'ai acheté des bouquins, mais bon, c'est pas avec un bouquin... Non. Tu écris une pièce. Non. Puis combien d'actes? 3 actes comme... Il y en avait plusieurs. Mais si je te dis, ça peut tout bouger, donc peu importe, parce qu'une pièce peut faire un acte. Oui. Voilà. Mais là, après ma barre, c'est combien d'actes? A priori, après ma barre. On avait 5 dans... 5 actes? Oh. Ça s'appelait, ouais. Je sais pas si j'ai envie de donner le titre, après j'ai pas envie qu'on me le pique. Ben là, le titre dit pas l'histoire. Hein? Est-ce que le titre est déclencheur, c'est quoi? Ben, il est important, ouais. Enfin bon, après tout... Non, mais est-ce que c'est un titre qui peut être commun? comme non, un homme. Non, non, moi c'était... Vas-y. La cigale n'avait pas tort. Ok. Une pièce et l'autre pièce c'était... La cigale a tort. Non, non. C'est ok. Rien à voir, c'est la fille et la maison de carton. La fille et la maison de carton? Ouais. Ça c'est toi ça? Ouais. Ok. Les deux, voilà, qui sont en friche. Mais j'ai vu des photos d'une pièce qui ressemblait un peu aux années 1800, où tu étais habillée d'une manière un peu plus... C'est pas une pièce, c'était un film. OK. Mais j'étais figurante dessus. OK. Voilà. C'est quoi, ça se passe au 18e? Oh, ça se passait à l'époque des grands magasins okay. en France, voilà. OK. OK. Ouais, 18e, ouais. OK, oui, on va dire, oui. Et puis? Et puis voilà, en fait, c'était juste une journée, c'était sympatoche. Tout le monde me parle de cette photo, c'est marrant. Ben oui, mais alors écoute... qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas fait grand-chose, j'ai pas été repérée sur ce truc. On était mais c'est un court-métrage. Non, c'était une série pour France 5, quelque chose comme okay. ça. J'ai jamais vu. Hein. Et, mais ça passait? Oui, c'est passé, okay. bien sûr. Il y a plusieurs trucs qui sont passés que okay. tu ne vois pas forcément. Okay. J'ai mais peut-être sinon, au montage, boulevard du palais, j'étais une... Enfin, j'ai joué. Okay. Enfin, si j'ai joué, c'était drôle. J'étais une cadavre. Oh. J'ai jamais vu cette... Ah oui, il y a des photos, ouais des... Non, il n'y a pas de ça. Okay. Non, c'est pas celle-là. Non. Enfin, bon, ça me ferait plaisir de le voir. Voilà, c'est un des trucs que j'ai jamais vu parce que j'étais pas... Je travaillais le soir où c'est passé, quoi. OK. Puis il n'y a pas de magnétoscope. Si, j'ai un magnétoscope, mais il faut savoir s'en servir. Oui, oui. C'est comme un micro-ondes, on n'utilise que 20%. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, on n'utilise pas le... ordinateur, je connais pas tout. Ah non, c'est terrible. Non, mais le micro-ondes, on utilise... Moi, je l'utilise, mais la décongélation, personne n'utilise ça. Ouais, je sais décongeler, si tu prends un steak, es-tu végétarienne, non? Non, pas du tout. OK, bon, on a des fois, tu sais, une petite eau... je goûte cette table. Non. Non, mais quand même, une eau minérale citron, c'est quand même... Bien, en plus, une eau minérale, pas de bulle. Remember when you could hear the sound of your life on the radio? Tiny little speakers filled the room and your head and you let it go. Nobody ever plays the songs anymore. The ones that really hit your heart at the core. And I don't think that I can take it anymore. Retro rockets. Where's the melody? That means so much to me. Where's the identity? It's been eluding me. I know what I wanna hear and I don't wanna lose it. Too much static in my ear from the people who cruise it. Remember how you could turn the day into gold when you touch that dial? Someone that you'd never know raised the roof and it made you smile. Now I listen and it all sounds the same. Music by numbers and you play in the game. And if you hear too much it'll drive you insane. Retro rockets. Am I the only one who wants to hear a song that I can still recall with great lucidity? I know what I wanna hear and I don't wanna lose it. Too much static in my ear from the people who cruise it. I know what I wanna hear and I don't wanna lose it. Electro Rockets. Retro Rockets. Yeah. L'équivalence dans mon cœur et se rendre dans qu'un ami. Ça va très bien. Ma tête balotte et les mots aussi. C'est bien de savoir ça, là. Tous les écrivains là, qui n'ont pas d'idées, quelquefois, là, dans leur mémoire tampon, facile à dire, là. Brasse-toi la tête, ça va venir. C'est comme les pellicules, là, hein? Quand tu les secoues, ça tombe. Oh, quand tu les secoues, ça tombe. C'est bien, ça. Belle observation, mon Gaétan. Merci, M. Gagné. Gagné. Gagné, gagné. Oh, je... Là, ici, maintenant, attribuons la pandémie. Hey, mon temps est marché, moi. Oh. C'est important. Non, c'est important de savoir ça. Pour certains, leur temps est compté. Mais pour lui, là, son temps est marché. Hey, moi, je me vois à 95 ans, là. Mon temps, je vais le marcher. Une journée entière à me marcher, là. Là, je vais demander. Mon jeune homme, je ne veux pas de toi ici. Va-t'en, va-t'en, wouss, wouss, pousse, pousse, wenne, wenne, wenne, pousse, pousse, l'été, wenne, laissez me, pousse, pousse, abattez, laissez, pousse, wenne, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, abattez, pousse, pousse, pousse, la cabane dans le fond, abattez, pousse, cherche la musique, abattez, pousse, abattez, hein? Pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Pousse ton pousse, pousse, amène-moi la pousse-pousse. Pousse-pousse, c'est moi, Rénal. Et, hein, je rajeunis, hein, quand je vois des pousse-pousse. Oh. Non, non, c'est pas le temps de changer ma couche, c'est parce que ma voix est jeune, hein. Oh, je commanderai. Oh. Swing le baguette. Non, mais tu mets de la musique traditionnelle à mon André, puis il devient très jeune. Prochaine courrie. Hein? Surtout au mois de juillet. On dirait que ça se rafraîchit. Ouais, c'est moi ton pépé. Pépé. Pas le pépé de Léo Ferré, le pépé de Rénal Gagné. Oui, ma petite chérie, ben oui, la grande vedette de l'époque. Ah, en 2012, en 2013, tout le monde me clamait. Je sortais d'une radio communautaire à Québec, c'est KRL, la plus vieille communautaire francophone radio au monde. Dans l'ordre, dans le désordre. Ah. Les gens me faisaient signer des autographes. En fait, je les payais. Je disais, hey, placez-vous en avant, là. Puis quand je vais sortir, crier, tirez-moi des confettis. C'est bon pour l'ego. L'ego. Oh, nous sommes tous égaux, oui, effectivement. Mais si tu pourrais me diffuser, ma petite chérie. Non, non. Tu es l'égal de l'homme. Je suis l'homme, tu es égal, je suis égal. Je suis. Comme toi, pareil. Pas plus, pas moins. Un peu plus haut, un peu plus bas. Hmm? C'est celle-là, ouais. Oh, je la chante pas. Je la fais souvent. Les gens me disent que c'est de la répétition musicale. Puis en même temps, je me dis la répétition musicale. Quand tu vas voir un chanteur au théâtre, sur scène, en concert, t'es bien déçu, hein? De pas l'entendre faire ta chanson préférée? J'en ai pas de ça. Je sais que personnellement, le public attend pas pendant 2 heures d'errance rénaldienne que je me lance dans une toune. Une toune? Une toutoune. Une belle toutoune. Une belle grosse toutoune, hein? Un peu plus haut, un peu plus bas, je vais chercher un peu plus bas, hein? Enfin, je vais faire là une belle toutoune que j'aime, là. Non, les gens s'attendent à rien. Ils se disent, ouf, c'est un à rien qui n'a rien. si peu au niveau intellectuel, imaginez-vous au secteur musical. Moi, je te dis que le secteur musical... c'est important de dire ça, là. Gilles Matan, oui. Bertrand Matan, Bertrand Roy, mon grand ami Bertrand Roy qui m'écoute sur CKRL en direct, là. Bonjour, Gaétan! Non, c'est Stéphane, Bertrand. Lucie, Basile, Bozil et les Justes. Santa Papa Fox. Santa Papa Fox. Crème-moi, crème-moi, passe. Et tous les autres. On s'attend quand tu vas voir un chanteur préféré là, que ta chanson soit lancée par l'artiste. Et moi, si Serge Lamour me chante pas, je suis malade. Il va devenir malade. Moi, je vais le voir dans sa loge. Hey, mon vieux Serge, j'ai payé 45$, tu m'as pas chanté, je suis malade. Non, parce qu'en vérité, je suis malade, complètement malade. Quand je sors de la scène tous les soirs et que tout tourne derrière moi, je suis malade. Oh, c'est bon, mon Jean-Pierre. C'est pas Jean-Pierre, c'est le Serge. En parlant de Serge, Serge Gainsbourg, là. T'aimerais bien l'entendre chanter Love on the Beat. S'il le fait pas, là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu feras n'importe quoi, il est mort! Oh mon, c'est pas vrai, quand ça? Hier, avant-hier, oh mon! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pleure. Il est mort avant-hier. Ben oui, il est mort. Tu l'as pas su, mais je suis pas branché ces médias depuis 3 semaines. J'ai raté ma tarte aux pigeons. C'est pas vrai, ben oui. Là, j'ai essayé la crème de tourterelle. Et puis, elle s'envole comme un pot s'envole. On emprisonne pas les tourterelles. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui. Voyons donc, le ressort se ressort plus fort. Voyons donc. Voyons, arrête de dire la même chose. Les gens vont s'imaginer. Les gens. Il n'y a pas juste des gens. Il y a des Céline, il y a des Lucille. Il y a des Jacqueline, il y a des babines, il y a des ruines babines, il y a des portefeuilles géants. Les portefeuilles géants sont très... Ils sont gros. Ils sont inscrits à des écoles de minceur. Et puis, ils s'émincent tranquillement. Oh, vers le haut. C'est comme l'eau. J'ai bien peur que la semaine prochaine, lorsque j'ouvrirai ma chante-pleure, hein? Au tout début de l'émission, suivez-vous. Et moi, je suis absolument rien. OK. J'ai peur que l'eau me jaillisse vers le haut. Mais c'est pour ça que j'enlève toujours mes bas. Comme ça, je vais être levé du bas. Puis ici, le haut, c'est pas important. Ma tante Claudette m'a dit, « Faut que tu sois propre. Si tu te fais accidenter, tu te trouves à l'hôpital. » Pardon? « Si t'as un accident, oui. Tu te retrouves à l'hôpital. » Ouais. Puis t'es pas propre en bas. En bas, mais bas? Non, en bas. En bas de quoi? En bas de tout. Alors, il y a un philosophe qui disait que la superstructure, c'était la religion. L'infrastructure, c'était... OK, tu parles d'infrastructure. Mais non, le bas. Mais le bas de quoi? Toi, là. Le bas culotte. Ben, j'en ai pas de bas culotte, moi, là. Allez, go, les gars, racontez vos sacoches, barreaux, portagettes, vos corsets, allez, va s'en va se casser. On va chanter le nazi rock, nazi rock. On va chanter le nazi rock, nazi rock. Enfilez vos bras longues, là, on va danser le nazi rock, nazi rock. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer, ça c'est important, là, une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraite de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction là, et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ça devient vulgaire tout le temps. Le but, c'est la vulgarité sans trop que cela paraisse. Ça paraît. C'est très triste. C'est très triste le dimanche. Et ça, c'est véritablement... C'est l'intelligibilité. Vous avez raison, madame. Merci. C'était un mercredi soir. Il n'y avait rien de terrible à la télé. Hein? Rien eu... OK, on recommence. C'était un mercredi soir. Il n'y avait rien eu de terrible à la télé. C'était un mercredi soir... Avant ça, c'était jeudi. Après, j'espère que ce sera... Ah non, mercredi. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais absolument rien. Je suis la locomotive. La locomotive est bleue? La locomotive, oui. Oh oui, et pour la libération du Québec, elle est bleue, fleur de lys, c'est merveilleux. Je la suis, je l'amène vers des belles, d'un beau couloir qui la glorifiera. Et monsieur, qu'est-ce que tu as dit? Glorifiera. Glorifier. Premier groupe. Glorifier. Glorifiera. C'est comme manger. Mangera. C'est comme... partager, partagera. C'est comme, hey, je suis pas un professeur d'école, arrête de me conjuguer tout ça. Non, fâchez-vous pas, vous là, restez calme. Prenez votre dosage, restez sage. Si vous êtes déplumé, hey, c'est ma faute, voilà, là. Vous êtes marié 3 fois, c'est pas ma. Bon, il fallait déjà se zigouner, monsieur. Vers l'être qui vous aimait depuis le début. Oh non, vous vouliez pas. Oh, il était pas beau. Il était pas pour vous. Puis là, aujourd'hui, vous êtes vieille. Personne ne vous regarde. Puis lui, il est mort. Là, toute votre vie, là, vous allez vous dire, oh, peut-être que j'ai mal fait. Peut-être que rentrer dans... Des idéologies religieuses ne m'ont pas converti à cet homme qui un jour m'aima jusqu'à la fin de son existence. Pardonnez-moi, épongez-moi. Alors donc, je la souhaite heureuse. Pour qui? Ben pour lui, jusqu'à la fin de son infinie création. Qui au début était terrestre et qui ensuite s'éleva vers le céleste. Et puis, ce soir, tout se cache dans un simple anonymat. Mais quand t'es pas connu, au début tu l'es, puis peut-être que l'oubli se pointe. Comme l'étoile que tu regardes depuis 20 ans et qui est là depuis plus longtemps que ça, le savais-tu, toi? Ben oui, j'ai écouté Rance Rénaldienne il y a quelques années, puis il nous l'a relaté. Oh, à force de relater, on vient à se l'imaginer, puis on vient à connaître tout ça. Grâce à qui? Grâce à la grâce des mots, grâce à la grâce des idées. Et grâce à ces KRL, louangeons-la! 40 ans, ça se fête? Ben, moi, je l'ai fêté depuis à peu près 2 ans. Je me suis préparé, mais tranquillement. Je suis dans 2 ans, là, ça va faire 40, puis moi, à 38, là, ça m'excite un peu. 39, j'en peux plus, puis 40, j'explose! J'étais là avec mon drapeau. C'est KRL. Et la police est arrivée. Mmh. J'ai dit, je fais de la publicité pour CKRL. Ouais, mais t'es pas devant la station, toi, là. Hey, sais-tu où tu te trouves? Oui. En fait, c'est à la police de Québec? Oui. En fait, devant votre immeuble? Oui. Ben, je voulais vous dire d'écouter mon émission. Ah, ça fonctionne pas comme ça ici, là. Ah, non, il n'y a pas de... ça fonctionne. Non, c'est monsieur. Oui, c'est monsieur. On sait que c'est monsieur, mais ça fonctionne pas. Alors, vous allez pas m'écouter. On va t'écouter, mais on va t'embarquer, puis tu vas aller en prison. Ah, merci. Si je te m'attends qu'à Timini, qu'est-ce que tu crois, y'en a des plus beaux que toi? Qu'est-ce que ça te fait si je pique dans ton assiette? Qu'est-ce que ça te fait si je prends toute la couette? Qu'est-ce que tu dis si la nuit je rentre complète? Qu'est-ce que tu dis si le jour je te prends la tête? pas de bulles. Sans bulles, c'est ça le problème. Et après, ça fait des gaz, alors par respect pour toi. Les bulles, non. Si, ça fait du gaz. Après, je rentre. Ah, ben c'est pas grave, ça c'est radiophonique. Ah, bah oui. Bah oui, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire si tu veux. Hein. Ah, sans toi, non, à l'aise. Ça va bah, saturer. Non, mais... non, ça ne sature pas. Non, comment quand il y a des camions. Mais non, mais il n'y a pas de bulles. Ah, ouais, c'est ça, alors on ne peut pas le faire, malheureusement. Après, je ne vais pas me forcer, je peux, hein, mais bon, bon après, tout le monde sait faire, non. Ok. Non, je sais faire des cris extraordinaires. Ok. Je sais faire le lion, mais bon. Le lion, vas-y. Non. Ah, ah oui. Ouais, mais les gens après. Ben quoi, t'as pas la rage? Oui, oui, je reconnais. Bah si, justement. Ok, bon, pas grave, je suis un Québécois donc. Ah ouais? Ben oui, ben oui. Tout le monde va nous regarder. Ok, fait. Ok, c'est fort, c'est un son fort. Ouais, c'est super fort. Ok, ok, bon, tu veux? Non. Ben, ça me dérange pas. Ah ouais? Ben oui. Allez. Vas-y. J'adore faire ça en bleu. Attends. Ok, oui. Ok, je comprends. Ouais, elle okay, est un petit peu fatiguée. Ok. Ouais. Okay. Et ça, tu fais ça, tu fais ça le soir, tu fais ça le soir entre amis. Non, sérieusement, tu peux faire ça sur mon vélo. Ok. Un vélo quand j'en ai marre ou que ou j'ai besoin de m'extérioriser. Mais là, il était fatigué le lion. Ok. Et un petit peu fatigué. Est-ce que ça fonctionne souvent? Est-ce que tu le fais souvent? Bah, en fait, je m'amuse à le faire. Comme chacun a ses trucs, il y en a, ils savent faire le hamburger. Ok, ouais, ouais. Mais là, le hamburger, ça crie pas, donc il n'y a pas de problème. Là, tu te fais pas repérer après. C'est ça. Okay. Et moi, en fait, j'ai découvert que j'adore faire le lion, en fait. Ok. Chez toi, entre amis, ouais. Non, non, j'ai découvert ça en technique au théâtre. Ok. On devait faire le lion, enregistrement de lion. Ok. Et en fait, pour une fois, j'ai pas pensé et j'ai fait mon truc, j'ai imaginé le lion et puis... Et puis voilà, et puis il se trouve que tout le monde, justement, la prof, mais c'est qui fait ce mot-là, et elle n'était pas spécialement... Au théâtre, ça va, mais peut-être ici, c'est un peu moins... les non, gens c'était ça... pas en Haute-Savoie. Non, non, c'est au théâtre, ah, oui, c'est ça. Oui, alors le théâtre, tout est permis. Oui, ici, voilà. Ici, tu passes comme une extraterrestre, malheureusement. Trouves-tu que les gens sont un peu trop constipés? Constipés, bien. Constipés, oui. Oui, ben, c'est... Ouais, oui, on peut dire ça comme ça, ben, bien sûr. Ben, en fait, aussi, ils viennent au théâtre pour... Ben, tu sais non, mais quoi, ici, là, tu fais quelque chose d'extravagant, puis le bonhomme n'a pas arrêté de te regarder, mais là, il n'est plus là, il est parti, il a eu peur. Là. Ouais. Mais est-ce que ça te dérange, ça? Ben, je trouve ça un peu triste, en fait. Oui. Parce qu'on est tous des animaux, à la base, quand même. Oui. Je pense, bon, civilisés, maintenant, mais... Mais eux fonctionnent trop au décorum. Tu sais, ben, c'est pas grave, là, t'as fait fuir 3 clients, mais... Non, mais... Il y a trop de décorum, c'est ça? Il y a pas de... Il y a trop de décorum, il y a trop de savoir-faire, il y a trop de... Ben, on se prive des choses. Ouais, où on évite... Maintenant, c'est bien, remarque, avec les portables, ça me fait penser... Tu sais, les oreillettes, mais ça, c'est on peut parler tout seul maintenant, parce que les gens, ils croient qu'on a une oreillette dans la main. Du coup, des fois, je fais, ouais, mais non, je peux... Putain, ça m'énerve. Mais ça, c'est la schizophrénie acceptable. Acceptable, parce qu'ils s'imaginent que, mais dans le fond, il y a... Ouais, ouais, du coup, là, t'es moins gêné. Non, non, non, mais en fait, moi, je pense qu'il faut s'exprimer quand on a envie de s'exprimer, de la manière dont on a trouvé qu'on peut, par rapport à nous, chacun différent. Et il faut juste s'exprimer parce qu'après ça fait des histoires comme à la Daniel Auteuil quand il a joué dans Joueur. Mince, non non rien à voir. Le film de. Dans le film de. Tu ouais. vois ce que ouais, à quelle année? Non, non, José Garcia. Non, José Garcia. Comment il s'appelle? Garcia. Ouais, la Garcia. Dame Garcia. Oh, ouais, ouais, José, ouais. C'est ça ouais, ouais, ouais, ouais. Comment il s'appelle alors l'acteur brun qui a joué dans La Vérité si je mens? C'est pas José Garcia aussi? Nicole Garcia. Nicole Garcia, oui, Nicole, José, Nicole, José, Nicole. Ça, ouais. Voilà. Bon, là, voilà, on laisse José Garcia, ouais, ouais. qui est très bien d'ailleurs. Ouais. Mais Nicole Garcia, ouais. qui a fait un film qui s'appelle... Avec... En un mot. En ouais. un mot, c'est un mot. Ok, avec Daniel Auteuil, où en fait, c'est l'histoire d'un mec qui pète les plombs. Qui ah pète oui, les plombs, oui, enfin, oui, qui oui, pète oui. les plombs. En 2015. Par rapport à... Oui, oui, il a oui. tué toute sa famille. Mmh. Oh, oui, puis c'est une histoire vraie. Oui, bien sûr, en plus c'était près de chez moi et tout. Ok. Et en fait, tu vois, bon, bah, ça, je pense à ce film, c'est juste... Ouais, il est pas allé à un examen. Bon, après, c'est pas l'histoire tant avant qui compte, mais c'est le truc de... Enfin, bon, c'est moi, c'est plus l'idée générale de péter un plomb à un moment donné quand tu t'exprimes pas. Ou... Voilà. Et puis... Je préfère m'exprimer comme ça, en public, en liberté. Et puis, tu vois, il y en a... Comme avant dis, de se faire enfermer comme moi. Ils sont tous constipés. Et puis, après, on a chacun nos vices. Et après, ils vont faire leur truc. Leur cochonnerie dans l'intimité. T'es beau comme un copain, t'es beau comme un salaud qui en a brisé des cœurs et qui a joué des reins. t'as beau comme ton cheval et tes yeux indigo. Raconte des histoires de coyotes et d'indiens. Oh, maman, loin sur la route. C'est toujours à ces garçons de ville qui vivent dans des tours. Aujourd'hui je te veux, toi mon parfum d'ailleurs, que tu poses ton col, tes calmes mes ardeurs. Il a les joues qui piquent, il sent le vieux mégot, le whisky irlandais et le crottin des chevaux. Lorsqu'il chante sa peine et caresse son banjo, un désir impitoyable me tord les boyaux. Lasse-moi, pose tes mains sur mes hanches. Ma conquête, je veux t'aimer au grand air. Nous aurons du bétail et nous serons heureux. Je veux ma chevauchée et mon coin de ciel bleu. Je veux des duels au soleil, je veux des diligences. C'est ma ruée vers l'or, c'est mon heure, c'est ma chance. Je veux ma botanée par le soleil de l'ouest. Que ta vie soit la mienne, que tu sois mon far west. Il sent le travail et la sueur, je veux la même odeur. Viens donc chérie, chérie, viens donc me manger le cœur. Arrache-moi mon jean et ma chemise. Embrasse-moi sur la paille dans la remise. Coucou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi coucou, toi coucou. Je t'aime, toi coucou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi coucou, toi coucou. Je t'aime, toi coucou, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, toi coucou. Tu te dis, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou. Tu dis, je t'aime, toi coucou, toi coucou. Tu dis, je t'aime, toi coucou, toi coucou. T'es coucou, coucou, t'es, éon, éon. T'es coucou, coucou, t'es, t'es. T'es coucou coucou tê tê tê. Éon éon. Tê coucou coucou tê tê tê. Tum tum tum. Tê coucou coucou tê tê. Every time éon, I heard tê coucou coucou tê tê. That you want to leave me. Tum tum tum coucou tê tê. Every time éon, I heard tê coucou coucou tê tê. That you want to go out and dreaming of you. Tê coucou coucou tê tê. All day I dream to you. Tê coucou coucou tê tê. All night I'm dreaming of you. Tê coucou coucou tê tê tê. All day I dream to you. Thank you.